Convalescence. Au réveil, je mets un temps infini à préparer mon petit déjeuner, puis je prends une décision. Quand ma jambe sera guérie, je profiterai de chacun des jours valides du reste de ma vie, en faisant descendre à ma conscience le fait que je n'ai mal nulle part, que mes quatre membres sont entiers et à leur place. Petit, quand je me rappelle les genoux, je me suis souvent promis de me féliciter de mon absence de plaie à l'avenir, quand cela irait mieux. Après la cicatrisation, j'oubliais. Dans mon carnet rempli de notes sur la vie que j'appelle le cahier à Miloche, nous noterons le A, un hommage à Aimé, je consigne les fruits de mes observations. Le cerveau pense à la guérison et au bien-être qu'elle engendrera, dans le seul but de mettre la douleur en arrière-plan, de la pousser de force dans les oubliettes de l'esprit, à côté des monticules des souvenirs refoulés. La sénilité est une réaction du même ressort. Accablé par la multiplicité des maux et des nuisances infligées au corps par l'usure de l'âge, le cerveau arrive à saturation. Pour éviter le surmenage ou pire encore l'ennui perpétuel, il se déconnecte régulièrement, se mettant progressivement dans l'état qui sera le sien après la guérison définitive de toutes les blessures. La tête devient laxiste, le corps aussi. Tous deux survivent mollement entre deux siestes, de plus en plus rapprochées et prolongées. Sur ces déclarations définitives, j'achève mon déjeuner en fermant mon cahier, pensif, avant d'organiser ma journée. Ce soir, Aimé ouvre sa boutique à mon attention. Si je ne m'y rends pas, il va à coup sûr s'inquiéter. Je n'ai jamais manqué nos rendez-vous du troisième soir de la semaine, sauf les soirs de pluie battante ou de chute de neige. J'irai, donc. Il conviendra seulement que je parte au plus tôt, le voyage en béquille risquant d'être un brin plus incommode qu'en bicyclette. En attendant mon périple de cette nuit, faisons les choses dans l'ordre. Je dois en priorité aller remercier Madame Berger, grâce à qui j'ai pu être ressoudé. Je vais lui préparer un petit paquet cadeau de produits du terroir de Miloche. À cet effet, je me rends dans ma basse-cour de poche où mes poules m'accueillent avec effusion, mortes de faim. Après une brève conversation avec elles, au cours de laquelle je leur donne de mes nouvelles, leur faisant part de mes états d'âme qu'elles accueillent en dodelinant du chef, je m'apprête à récolter les fruits de leurs entrailles. Malgré mes ennuis passagers, mes poules pondent toujours à ras de terre, la compassion ne semblant pas faire partie de leur palette d'émotions. Pour attraper les œufs posés sur le sol, je me livre à des contorsions d'un comique de répétition digne des meilleurs films de Buster Keaton. Après un tas d'essais infructueux, je me pose pour réfléchir. Je me rends à l'atelier, où je déniche un tabouret qui me permet de récolter, jambes gauche tendues, les œufs généreusement offerts à moi par mes amis les poules. Me relevant avec peine, je complète laborieusement mon panier de légumes divers, pommes de terre, carottes, courgettes. Aux amoureux du jardin qui s'étonneront sans doute que je puisse récolter des courgettes toute l'année, sachons que j'ai mis au point, grâce à un peu d'imagination, des plans me permettant de récolter ces fruits de courge, allongés et savoureux, de manière perpétuelle. Au printemps, elles poussent gentiment, d'un orange très clair, tendre et frais. À l'été, gorgé de soleil, je les consomme rouges vives, sanguines et espagnoles. À l'automne, elles prennent la couleur et la saveur qu'on leur connaît depuis la nuit des temps, car j'ai décidé que la saison pleine des courgettes se situerait en octobre. Tandis qu'en hiver, elles trônent royalement sur le sol gelé, protégées d'un duvet confortable que j'ôte par simple frottement du bout des doigts pour consommer ce fruit de couleur bleue, frit ou bouilli, voire cru en sorbet. Mon panier est à présent garni de comestibles divers aux couleurs assorties. Je décore le tout d'un brin de persil artistiquement déposé sur le sommet, et nous nous dirigeons, mes cannes anglaises et moi, vers le domicile de mes voisins. À reculons, je le confesse, mais il serait incorrect de ne pas manifester quelque gratitude en tel cas. Il faut parfois serrer les mâchoires pour affronter le danger de face. Madame Berger ouvre la porte, et s'enquiert de ma santé sans tarder. Elle a l'air sincèrement désolée pour moi quand je lui confirme le diagnostic qu'elle avait établi d'un coup d'œil, puis quand je lui rapporte la durée de convalescence prescrite par le médecin. Elle me demande si l'on m'a marqué un long arrêt de travail, avant de rougir en s'excusant. Gênée, elle détourne la conversation en parlant sans trêve, me remerciant avec chaleur pour le panier, rajoutant que ce n'était pas la peine, que... S'ensuivent quelques échanges codés d'amabilité diverses, clôturés par un... « Jean-Luc, tu viens une minute ?»« Excusez-le, Il est devant son match. Là-dessus, prenant le pas sur les commentaires enflammés du journaliste sportif dans le lointain, je perçois le crissement des mules de M. Berger qui traînent sur le parquet, au risque de le rayer de façon irréversible. J'ignore si le sport télévisé produit un effet cathartique sur la personne de mon voisin, mais il semble littéralement vidé par sa contemplation footballistique. Son « bonjour » est à l'unisson de sa poignée de main, en guimauve. Je crois que la physionomie changeante de son visage est en train de m'indiquer qu'il me sourirait si c'était dans ses cordes. « Regarde ce que M. Miloche nous a apporté !» s'enthousiasme pour deux sa femme. « Super, des légumes !»« C'est bien, c'est bien !» Après un bref silence pendant lequel chaque élément du couple avale ses lèvres en scrutant quelques détails inexplorés du paillasson, M. Berger nous fausse compagnie. « Bon, j'y retourne, moi. » Et je crois entendre le stade l'encourager d'un « Jean, Luc, Jean, Luc, Jean, Luc !»« Moi aussi je vais vous laisser, Madame Berger. Au revoir, et merci pour tout. » « Si vous avez besoin d'aide... »« Ne vous inquiétez pas, je suis habitué à faire les choses seul. Je serai un ours à béquilles maintenant. Mais ce n'est pas éternel. Je vous remercie pour votre proposition. Attendez !» Dans le même fracas de pas et d'objets qu'il y a quelques jours, Madame Berger revient avec le fauteuil de son pauvre papa. « Tenez, je vous le prête. Vous me le rendrez quand ça ira mieux. » Après un refus de politesse, j'accepte avec plaisir l'offre de ma voisine. Je ne supporte pas l'idée de me passer de rouler pendant plusieurs semaines. Elle m'installe sur le fauteuil, me rend les béquilles, me souhaite une bonne journée et un bon rétablissement. Nous nous remercions mutuellement, je roule sur le terrain qui sépare nos deux maisons et je franchis l'allée centrale de mon havre de paix. Je m'enferme quelque temps dans mon salon, j'ai besoin de repos. On sait que je n'ai pas l'habitude de converser avec des inconnus, et cette action extraordinaire provoque toujours chez moi une fatigue terrible. Les mots sortent avec peine quand c'est à moi de m'exprimer. Lorsque je prends le rôle de l'écouteur, je ressens une forte gêne. En effet, ne sachant jamais si je dois fixer mon interlocuteur dans les yeux, la bouche ou baisser la tête, si je dois acquiescer fréquemment ou produire des sons affirmatifs ou négatifs, je mélange tous ces signes accompagnateurs du dialogue, rouages muets du langage, dans une soupe mal agencée et imprécise qui se manifeste, j'en suis sûr, sous la forme de tics nerveux. Il ressort de ce jeu de ping-pong conversationnel une lassitude extrême. Si les yogis hindous s'évertuent à produire des respirations longues pour coller à leur croyance selon laquelle tout homme a reçu à la naissance un nombre précis d'inspirations et d'expirations qui, une fois atteints, amène à l'état de mort, moi, Miloche, j'ai hérité d'un nombre restreint de paroles à dire et à entendre. Comme j'aime le marbre, les vélos, mes poules, mes livres, mon jardin et mes Danka et Lolek, je voudrais rester encore quelque temps sur la terre. Je suis donc forcé d'être économe de paroles et d'écoute. N'allons pas croire qu'il s'agit là d'une excuse. Dans mon nouvel état, je vaque à mes occupations habituelles avec lenteur et maladresse, respirant bien à fond pour ne pas m'énerver. Je dois m'y faire. Je trouve une solution pour chaque chose, ce qui me prend certes plus de temps, mais présente l'avantage de me donner à réfléchir différemment. Chacune de mes actions est précédée d'un raisonnement adapté, si bien qu'au lieu de subir mon handicap, je tente de le transformer en une occasion de voir la vie sous un autre angle. J'aime essayer de renverser des choses pour profiter à fond des instants de vie qui me sont accordés. Mais essayer est le bon mot, car vers la fin de l'après-midi, je suis déjà complètement découragé. Le premier jour de mon retour d'hôpital est un échec, je suis bien obligé de me rendre à l'évidence. En arrosant le jardin, je roule sur les jeunes pousses de carottes. Les céleris se prennent dans mes rayons, je m'embourbe dans la terre bien grasse, je parviens difficilement à rouler dans le poulailler. Nettoyer la fiente de mes poules est un calvaire, et je sens bien qu'elles ne comprennent pas pourquoi leur couche est aussi sale que cela. La lecture, en revanche, n'est pas un problème. J'y prends d'ailleurs un plaisir infini, car à l'inverse de mon corps qui se fatigue vite, ma tête en ébullition a besoin de matière à se mettre sous les synapses. Je me trouve fort embarrassé pour tailler mes marbres. L'un d'entre eux trône sur mon établi, il est d'une couleur jaune-orange veinée de gris. Je le mouille afin d'en apprécier la couleur, et je le vois déjà poli en songe. Il est en train de me narguer, confortablement posé sur la planche solide. Un ray de lumière filtre à travers le carreau poussiéreux pour venir caresser ses formes. Il anoblit les rondeurs naturelles, accuse d'ombre dure les angles, dévoile à l'œil de petits amas de terre remplissant certaines anfractuosités, à l'intérieur desquelles de minuscules végétaux ont séché, privés de leur arrosage céleste. J'observe ce miracle minéral en louchant, la tête à hauteur du marbre. Je le caresse à mon tour, et les cales de mes paumes font ronronner le bloc qui, de bonne heure, dégage un peu de poussière d'étoiles. Je la regarde s'élever dans le soleil. J'observe. Je pense à la forme qui va en sortir, au surplus que je dois ôter, et c'est bien là la seule chose que je puisse faire. Je suis le rejeton de Camille Claudel et de Tantale. Mon établi est bien trop haut pour que je puisse travailler assis dans mon fauteuil. Debout, pas la peine d'y songer, mes mains sont déjà occupées à tenir les béquilles. Je dois concevoir un siège adapté, en hauteur, bâtir un établi plus bas, ou imaginer un système astucieux de contrepoids me maintenant en l'air comme insensible à la gravité. De la gravité, mon visage n'en manque pas. À n'en pas douter, je ressemble à une de ces figures tourmentées des peintures de la période romantique. Je pourrais illustrer la couverture d'un manuel de littérature du XIXe siècle. D'ailleurs, je me sens presque tuberculeux. Je pourrais même pousser jusqu'à me laisser mourir de désespoir si c'était la mode. Simple citoyen de mon siècle, je ne me laisse aller qu'à un peu de tristesse désespérée, et je commence à griffonner sur un bout de planche les plans de l'aménagement futur de mon atelier. Léonard des pauvres, j'invente un tas de machines, non pour m'élever dans les airs ni pour sauter d'un engin volant, encore moins pour explorer les profondeurs de l'océan, mais bien pour rester dans mon environnement habituel et être en mesure de continuer à y vivre ma vie réglée et rassurante. Pas de rêve de grandeur, non, plutôt des projets à ma mesure, aux dimensions de mon absence d'ambition, vivre les quelques semaines à venir pareillement aux précédentes. Un modeste dessin dans lequel on pourrait reconnaître les symptômes d'une béatitude, d'un amour de ma propre vie et de mon immuable routine. La réalité est moins simple. Je me suis lentement enfermé dans une vie grouillante d'habitude. Les ornières sont bien tassées, carrossables sans encombre, et le moindre pas de côté me projette dans une boue que je n'ai pas la force de dompter. De l'extérieur, il peut sembler que j'ai pris toutes les précautions pour jouir d'une liberté totale. Même ici, pourtant, loin des hommes et des conventions, je me suis érigé des garde-fous. Je laisse en plan mes croquis pour sortir le cahier à miloche de son tiroir, et je note, à la lueur de ma petite lampe, « L'homme libre, c'est l'aventurier parcourant la planète sac au dos, sans bien matériel, sans famille, ni ami, ni animal de compagnie. L'homme libre est un cérébral qui peut se priver complètement de la compagnie des siens pour se contenter d'un paysage, fût-il minable ou exigu. C'est un être qui a le pouvoir de se nourrir exclusivement d'images intérieures, de sons, de sensations et de rien d'autre. L'homme libre n'a ni estomac, ni d'autres organes que ceux lui servant à voir, parler, entendre, ressentir, mais il peut finalement aussi bien être sourd, aveugle ou insensible, ou tout à la fois. L'homme libre est une illusion, une conception mentale comme Dieu, et comme lui, il est bon qu'on y croie. Au moins pour se donner dans la vie le but de se rendre le plus digne à ses yeux. Je tends vers l'homme libre, du moins le croyais-je jusqu'à aujourd'hui. Car, à coucher mes émotions sur le papier, je réalise que mes marbres, mes poules, ma maison, mes vélos, ma vie réglée en un mot, tout ce que je chéris, ne font de moi qu'un homme minuscule et amputé de l'adjectif suprême. Si, me projetant dans un avenir hypothétique d'une liberté sans bornes, je m'imagine au prix d'efforts pouvoir me séparer de tout, mes marbres reviennent toujours au galop. Pourquoi ? Oh, je le sais. Je ne peux pas me faire à l'idée de n'être qu'une fourmi de passage. Je veux bien me faire discret. Mais bon sang, qu'on se souvienne de moi après ma mort ! Mes minéraux, pourtant, redeviendront poussière, je le sais. Je suis conscient qu'ils ne me survivront que quelques années. Si je continue à les dorloter dans le vain espoir de me rendre immortel, c'est simplement pour ne pas m'en aller sans avoir la conscience tranquille et pour meubler un peu ma longue vie. Je ne suis pas bien vieux, et souvent, cependant, je trouve l'existence d'une longueur interminable. Je sais que la maladie peut me cueillir demain, et je me force à y penser pour que, par opposition, la vie me paraisse brève. Dans mes lectures, j'ai noté que la plupart des rescapés des grandes maladies reprennent un goût exquis à la vie. Je tente donc parfois de me projeter dans la peau d'un ancien grand malade qui a posé l'orteil sur la barque de Caron et qui a dit « Oh, et puis non. Celui qui a vu la mort de si près qui sourit. Maintenant, je n'ai plus rien à perdre. Mais ce n'est que de la théorie. Je ne suis rescapé de rien d'autre que des années précédentes et pas fichu de me faire croire le contraire. Un peu découragé, voûté sur mon fauteuil à roulettes, le crayon à la main et les yeux dans le vide, je regarde mon atelier baigné de nuit. Pas faim, pas soif. Je songe en souriant que je fais un grand pas sur le chemin de la liberté. Mon sourire se fige lorsque je reviens à la réalité. À cette heure, Aimé doit être en train de s'habiller pour aller ouvrir son magasin et l'épicerie de Miloche, exprès pour moi. Je dois me préparer en vitesse, cueillir quelques jolis légumes et filer. N'ayant comme moyen de locomotion que mes béquilles et mon fauteuil roulant, je vais mettre un temps infini à parcourir le chemin. Aimé va s'inquiéter, à coup sûr. Peut-être va-t-il se dire « Où est Miloche ? Il m'a abandonné, ça y est, il ne me respecte plus. Ou va-t-il croire que je suis mort ? Pire, que j'ai changé de magasin ?» Ayant égaré ma lampe torche dans les profondeurs du conteneur du lieu étrange, je me rends à tâtons dans le jardin, éclairé par la lueur rectangulaire filtrant par la porte ouverte de ma maison. Le quartier pâle de lune ne m'aide pas des masses. Énervé par mon retard impardonnable qui va s'accroissant, je déboule au milieu du potager, roulant avec humeur sur des objets non identifiés, m'embourbant, muscles et mâchoires tendues, à la recherche de quelques légumes que je trouve en palpant le sol. Mon panier se remplit peu à peu, et je sors à grand-peine de mes sillons qu'il ne me tarde pas de contempler au grand jour. Par chance, il me reste une douzaine d'œufs. Je ne me voyais pas surgir en roue libre dans le poulailler, écrasant par mégarde la tête de Barbara, tandis que Florinda se serait coincé le cou dans mes rayons. Je complète donc mon panier à l'intérieur de la maison, en dessinant des traces de roues boueuses partout dans l'entrée. J'allume une grosse bougie, je la place dans une cage en verre et, le fard de fiacre coincé dans le panier, je me couvre. Je me mets en route.